Merci. Ben déjà, merci de l'invitation. Donc, juste, je dois revenir sur ma présentation, juste parce que Adi Abdelali, c'est mon master en fait, le titre qu'il a donné. Bon, mais je continue sur à peu près la même période dans le cadre d'une thèse. Donc, effectivement, moi, je suis pas. La question de l'islam n'est pas du tout au cœur de ma recherche. Et en fait, c'est plutôt une question qui est venue percuter. Mes premiers matériaux d'enquête quand j'ai fait mon master. Et donc, bon, j'ai consacré une partie de mon travail à cette question-là, mais voilà, sachant que je ne suis pas un spécialiste de la question. Et par ailleurs, les matériaux que je vais présenter aujourd'hui sont en grande partie issus effectivement de ce que j'ai trouvé en master. Bon, j'ai trouvé d'autres choses depuis, mais qui juste. Enfin, prolonge un peu ce que j'ai déjà trouvé. Voilà. Donc, déjà pour commencer, effectivement, l'introduction, bon, effectivement, il faut se resituer un peu dans ce début des années 80. Donc, moi, j'ai travaillé sur les grèves de 82 à 84 dans deux entreprises, donc Citroën à Aulnay-sous-Bois, et puis dans les quelques autres usines de Citroën, et puis l'usine Talbot à Poissy. Donc ces années 80, bon, il y a un certain nombre de questionnements sur l'immigration. Bon, il y a eu la fermeture officielle des frontières, enfin, en tout cas l'arrêt de l'immigration de travail en 1974. On arrive à la fin des Trente Glorieuses, début de restructuration industrielle profonde, et puis un questionnement qui dure depuis début des années 70 sur le devenir des ouvriers spécialisés. Et une période qui, contrairement à une certaine atonie sociale après 1981, voit une succession de grèves dans l'automobile, dans vraiment un nombre d'usines extrêmement important, hein, depuis Peugeot Sochaux jusqu'à les plus petites usines de Renault, les grandes usines de Renault, et puis Citroën et Talbot. Je ne vais pas forcément faire un historique de ces grèves-là, mais on pourra revenir éventuellement dans le débat. Et à un moment donné, effectivement, il y a un surgissement de la question de l'islam. Alors, surgissement, pas tout à fait finalement, mais en tout cas, il est pensé différemment, puisque la question de l'islam, notamment même au niveau étatique, n'est pas complètement nouvelle, bien sûr, en France. Et notamment, on a vu dans les années 70, notamment à partir de l'élection de Giscard d'Estaing en 74, la volonté de reconnaître. Une pratique religieuse des musulmans, mais toujours dans la perspective de préserver la culture d'origine des immigrés, dans l'idée qu'ils allaient rentrer chez eux. Donc ça, c'est le programme un peu, hein, qui est inscrit par Paul Guijoute, qui est secrétaire d'État aux travailleurs immigrés en 74. Et le contexte est assez différent au début des années 80, puisque la question de l'islam ne surgit pas à travers une injonction étatique, hein, mais à travers quelque chose, un phénomène qui est difficilement saisissable pour les observateurs de l'époque, où se mêle effectivement la question de luttes ouvrières, de revendications de salariés de l'automobile, et puis une question, ce qui semble être en tout cas une demande d'islam, hein, qui est un peu. Perturbe en tout cas les commentateurs jusqu'à ce que certains, soit journalistes, soit hommes politiques, parlent de grève sainte, hein, à ce moment-là, donc à partir de fin 82 et surtout dans l'année 83. Donc moi, je m'interroge un peu sur qu'est-ce que ces événements-là révèlent, quelle lecture du monde social on peut y voir, et comment est-ce que ça induit des changements dans les approches de l'immigration qui se jouent à ce moment-là. Donc j'ai un plan très classique en trois parties, hein. D'abord, je vais parler des grèves et de la question de l'attitude d'une série d'acteurs face à cette question de l'islam dans les usines en 1982. Dans un deuxième temps, j'évoquerai les lectures du conflit et la façon dont une série de lectures de ces conflits mêlent une peur du rouge. Et une peur de l'islam, et comment est-ce que ces deux dimensions sont articulées. Et puis, en troisième temps, je verrai comment est-ce que cette question-là dépasse le niveau même des usines pour intégrer ce phénomène aux changements qui sont en cours au niveau des politiques migratoires. Alors, Pour commencer, donc la question des grèves de 82, effectivement, déjà, il faut revenir très rapidement sur les deux usines sur lesquelles j'ai travaillé, donc Citroën Aulnay et Poissy-Talbot, où il y a deux caractéristiques essentielles qui les rapprochent. C'est d'une part une très forte proportion d'ouvriers immigrés. On est à presque 70% à Aulnay à la fin des années 70. Un petit peu moins à Talbot, mais quand même des proportions qui sont autour de 50%. Et par ailleurs, un taux d'OS, donc d'ouvriers spécialisés, donc les ouvriers quasiment en bas de l'échelle, extrêmement important aussi. Hein, donc l'idée de, effectivement, la figure que Abdelmalek Sayad a décrite sur OS égale immigré, immigré égale OS, est vraiment prégnante pour ces usines-là. Plus que par exemple à Peugeot Sochaux, Citroën Rennes, mais aussi bien plus importante qu'à Renault Billancourt, par exemple, qui apparaissait pourtant hein, comme une usine extrêmement immigrée. Et il y a une troisième usine qui a des caractéristiques proches au niveau social, c'est l'usine de Flins, qui va être aussi sur le devant de la scène à ce moment-là, hein, qui est l'usine de Renault Flins, hein, qui a aussi une proportion d'immigrés importante. Et contrairement à l'usine de Billancourt, par exemple, la nationalité la plus importante dans ces usines, ce sont les Marocains. Hein, donc, effectivement, ça donne aussi une caractéristique particulière. Deuxième dimension qui est aussi extrêmement importante et qui est un peu oubliée maintenant, c'est l'existence dans ces deux usines, à Aulnay et à Poissy, d'un syndicalisme indépendant. Donc, alors, faudrait. Bon, besoin de faire un historique, mais okay. En gros, le syndicalisme indépendant, pour le dire de façon très lapidaire, c'était un syndicalisme plutôt pro-patronal, voire créé avec l'appui des directions d'entreprise, qui, à Poissy, dans les années 50, balaye la CGT en 2 ans et qui s'installe à Citroën, d'abord au quai de Javel et puis à Aulnay au moment de l'ouverture de l'usine, après 1968. Et ce syndicalisme indépendant, donc, qui va s'appeler CFT, donc Confédération française du travail, puis CSL, Confédération des syndicats libres, d'une part, en gros, empêche toute expression d'un pluralisme syndical, et d'autre part, est un outil d'encadrement extrêmement fort, mais extrêmement efficace vis-à-vis de l'ensemble des salariés, et notamment vis-à-vis des travailleurs immigrés. On pourra revenir aussi, hein, parce que les enjeux du conflit 82 vont être énormément dirigés contre la CSL, hein, le syndicat indépendant. Donc les grèves commencent en fin avril 82 à Aulnay-sous-Bois, le 26 avril, enfin le 20, 23 avril précisément, 26 avril, la production s'arrête et il y a une occupation, non pas de l'usine, mais des parkings de l'usine, à la fois par les OS immigrés de l'usine, mais aussi par tout un réseau syndical et politique de la Seine-Saint-Denis qui se mobilise très très fortement en solidarité avec cette grève. Donc c'est la première grève depuis que l'usine existe et c'est la première fois qu'on voit apparaître au grand jour ces OS immigrés, dont une bonne partie ne parle pas très bien français, qui n'ont aucune pratique syndicale, aucune tradition syndicale, aucune pratique de lutte sociale, et qui vont occuper ces parkings de l'usine pendant plus d'un mois, qui vont s'exprimer, qui vont être filmés énormément. Et donc cette grève est victorieuse. La reprise du travail à Aulnay a lieu le 1er juin 1982 et est suivie le lendemain d'un début de grève à Talbot-Poissy qui va durer 4 semaines et qui va avoir les mêmes effets, à peu près les mêmes résultats. Donc une victoire des ouvriers et des grévistes et des syndicalistes, une reconnaissance du fait syndical, une augmentation partielle des salaires. Un certain nombre de droits afférents que je détaille pas. On va appeler ces grèves les grèves de la dignité. Hein, ça va être un truc, la question de la dignité extrêmement forte, extrêmement importante, portée dans les revendications, dans les discours syndicaux, etc., etc. Et ça va être vraiment le point de focalisation, l'exigence de dignité. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que va apparaître une revendication à Aulnay, particulièrement, enfin uniquement d'ailleurs, à Aulnay, qui est l'ouverture des lieux de prière. Donc, par exemple, je vais vous citer un exemple du manifeste des OS d'Aulnay-sous-Bois, qui dit: Nous voulons tout simplement avoir les mêmes droits que tous les travailleurs, le respect de la dignité, la liberté de parler avec qui nous voulons, de prendre la carte du syndicat de notre choix, de voter librement. Nous voulons l'interprète de notre choix. Et ensuite, qu'on nous reconnaisse le droit de penser de religions différentes par l'attribution d'une salle de prière et par des mesures adaptées aux périodes du Ramadan, et ensuite des élections libres, etc., etc. Donc effectivement, la question de l'ouverture du lieu de prière est présente dans ce manifeste, mais plus globalement dans le cahier revendicatif des salariés. C'est pas un élément central de la lutte. Quand on interviewe des grévistes au moment de la grève, peu font mention de cet aspect-là. C'est plutôt noyé au milieu d'un ensemble de revendications qui concernent à la fois les libertés syndicales, l'organisation du travail, les rapports avec la hiérarchie, donc, et entre autres cette question de l'ouverture des lieux de prière. Alors, ce n'est pas la première fois que la question de l'ouverture de lieux de prière apparaît dans un mouvement social en France. Dans le mouvement des Sonacotra, c'est mentionné dans certains foyers, bon, sans que ce soit extrêmement important. Et par ailleurs, des lieux de prière existent déjà dans un certain nombre d'usines, notamment à Renault depuis 1976, à Talbot à Poissy depuis 78. Mais je crois que ce qu'il faut voir, c'est la façon dont en fait cette revendication, à quel moment et par qui elle est portée en fait. Par exemple, à Renault en 76, on a une pétition qui est lancée par des travailleurs sénégalais qui recueille très rapidement quelques centaines de signatures et très rapidement ils obtiennent satisfaction. Ça se fait plutôt en dehors d'un cadre syndical. Ce n'est pas vraiment un objet de lutte, mais en gros, il y a une reconnaissance assez rapide de cette revendication. À Talbot, selon les témoignages de syndicalistes de l'époque, c'est d'abord porté par la CGT, puis finalement, comme c'est souvent le cas pour beaucoup de revendications, c'est la CSL, donc le syndicat indépendant, qui s'en attribue la paternité. Mais donc pareil, là, pas vraiment un enjeu de lutte. Et la différence avec la grève à Citroën, c'est que c'est constitué comme un enjeu de lutte. Et on voit déjà derrière ça qu'il y a un enjeu pour quel acteur va obtenir ou non l'ouverture du lieu de prière, plus que finalement le fait en lui-même. Finalement, est-ce que c'est tel ou tel syndicat qui va obtenir ça? Est-ce que c'est la direction d'entreprise dans un rapport direct aux salariés qui va permettre ça ou non? Et ça, c'est un enjeu important. Voilà. Mais c'est un enjeu qui sort jamais des murs de l'usine. On n'entend pas vraiment parler à l'époque. Enfin, ça fait aucun bruit. Enfin, il n'y a pas de médiatisation du tout autour de ça. La différence, enfin, une des différences avec la grève de Citroën en 82, c'est notamment le fait que l'occupation se déroulant sur les parkings de l'usine, on a une visibilité, et notamment une visibilité médiatique beaucoup plus importante. Et notamment, on va avoir une visibilité des prières collectives des OS musulmans. Et on va se rendre compte que effectivement, il y a une expression des grévistes qui prend une forme religieuse et qui mêle un registre religieux et un registre syndical. Donc, je vais juste vous passer un tout petit extrait d'un documentaire, juste pour que vous compreniez, parce que je pense que c'est des images qui sont pas très fréquentes, et donc on peut juste quelques minutes pour voir un peu le. أيها المهاجرين عمار السبوين تفضلوا أنت به جدا فشكرا لكم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعله دليلا على قدرته في الحديث القديم والثقافة بالعلم والخلق الحسينة والزينة بالحلم عند اشتعال الإلحاد والصلاة والسلام على من أتى يتمم مكارم الإخلاق على آله وأصحابه الأولى المحبة والوفاء رضي الله عن التابعين المهتدين والعلماء العالمين ومن اقتدامهم من المؤمنين إلى يوم الدين. اللهم إليك توجهت بهذه الكتابة وعليك توكلت في كل باب وفي كل فصل. اللهم نور عقلي بنور علمك، وأشرح صدري بهم وحيك، وأسق لساني لقي السكات المعين، وأمسخ قلبي لخدمة الحق المبين. أيها العمال، أيها العمال، أيها المهاجر، وقفنا بعضا على باب يمينا ويسارا. ايها الاخوه، بيمن السجن، بيمن السجن، بيمن ليبرتي، بيمن فرانس، بيمن ليبرتي، بيمن ليبرتي. Voilà, donc on voit que vive la liberté, vive la CGT peut tout à fait être accolé à Dieu est avec nous et ce genre de paroles plutôt de nature religieuse. Et on se rend compte là effectivement, notamment quand on regarde d'autres images. Alors j'en ai préparé un autre extrait, mais bon, je vous montrerai pas, je le mentionne juste. Mais par exemple au meeting de fin de grève, on a les syndicalistes de différentes nationalités qui interviennent. Et puis attends, c'est quoi ça, ce que j'ai utilisé après. Il y a des syndicalistes de différentes nationalités qui interviennent, et puis au milieu, il y a un religieux qui vient faire la prière en plein milieu du meeting. Ça aussi, effectivement, un truc important. Et le fait que ce soit en arabe échappe bien sûr aux syndicalistes français, qui comprennent peut-être un peu à la Wakbar, bon, mais qui ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit exactement. Et en tout cas, on voit qu'il y a une espèce d'entre-soi dans l'entre-soi discursif, pas un espace autonome à proprement dit, puisque ce n'est pas une forme d'organisation autonome, mais en tout cas, il y a une part d'entre-soi qui est propre aux ouvriers immigrés musulmans. Voilà. Donc, pour résumer, à la fois, on a donc une question de la pratique religieuse qui est intégrée à ce conflit, qui n'en est pas du tout un moteur essentiel, hein, mais qui est intégré à ce conflit. Et par ailleurs, il n'y a aucune linéarité, aucun point de rencontre entre ce qui serait des comportements religieux et des comportements syndicaux. Hein, on a aussi l'utilisation de l'argument religieux du côté des anti-grévistes, soit alors effectivement des distributions de tracts extrêmement, enfin, en gros disant qu'il ne faut pas, qu'en gros, au nom du fait de l'islam, on n'a pas à faire grève. Notamment, il y a tout un argument autour du communisme, CGT, PC qui appelle à la grève, donc les musulmans devant refuser ce rapprochement avec les communistes. Il y a y compris des références dans des petits tracts manuscrits aux événements en Afghanistan à ce moment-là, hein, qui sont effectivement en gros les infidèles en Afghanistan, on les retrouve dans les usines, etc., etc. Voilà. Et en même temps, on a effectivement cette visibilité qui correspond aussi à un phénomène sociologique où les ouvriers immigrés sont en voie de sédentarisation en France. Et du coup, il y a aussi une forme de rendre public une pratique religieuse qui, par ailleurs, pouvait exister, mais de façon beaucoup plus souterraine ou discrète auparavant. Alors, face à ça, quelles sont les réactions, en gros, des acteurs de la grève? Moi, dans mon enquête, j'ai repéré je distingue, en gros, trois attitudes face à cette demande d'islam. Celle des syndicalistes français, qui sont déjà syndicalistes avant la grève. Les syndicalistes, ceux qui vont devenir syndicalistes pour la plupart, qui sont immigrés et musulmans. Et puis un troisième groupe qui serait plutôt des musulmans issus de la gauche marocaine, hein, puisqu'il y a beaucoup de Marocains, je l'ai dit, hein, qui sont des syndicalistes, mais qui par ailleurs ont aussi un militantisme politique ou associatif qui marquait la gauche. Alors sur les premiers groupes, la question des syndicalistes français, c'est une question qui n'est pas évidente. Il peut y avoir un écart entre des principes affichés et puis une forme de pragmatisme un peu de terrain. Mais un fait quand même qui est important, c'est que par exemple le texte du Congrès confédéral de la CGT en 82 reconnaît, enfin revendique des droits et des moyens d'exercer le culte de son choix, hein, dans la partie sur la question des immigrés, mais c'est une revendication qui va disparaître en 85. Le Congrès, les textes de la CFDT, par contre, ne mentionnent jamais une position similaire. Il y a eu des recherches qui ont été menées plus sur Renault qui distingue trois attitudes. Une attitude, on va dire, laïque, pour le dire vite, qu'on retrouve surtout à la CFDT, qui tend à minimiser le fait musulman dans les discours, qui renvoie un peu l'utilisation de l'islam à une manipulation des directions d'entreprise, voire qui dénonce la CGT comme étant, comme manipulant les revendications religieuses. Deuxième position, c'est une position plutôt qu'ils appellent le vivre avec. Hein, en gros, on fait un peu avec, on se débrouille, on bricole. Puis une troisième position qui serait plutôt une position offensive, hein, visant à reprendre et à mettre en avant les revendications concernant les pratiques religieuses, hein, et à voir, bon, le problème derrière est qui est en capacité d'organiser les ouvriers musulmans, la CGT ou la maîtrise et les directions d'entreprise. Hein, par exemple, à Renault, la CGT va mettre en place, à Renault-Billancourt, un collectif d'imams sympathisants, hein, de la CGT pour essayer aussi d'organiser, de canaliser, éventuellement de comprendre ce qui se passe. Moi, ce que j'ai rencontré, hein, c'est effectivement un mélange un peu de ces deux dernières positions entre le vivre avec et une position assez offensive. Notamment au moment de la grève, il y a véritablement une acceptation sans restriction de la reconnaissance de l'islam des ouvriers, qui passe par plusieurs registres de discours. Un premier registre, alors, qui est assez minoritaire, mais que j'ai retrouvé quand même notamment dans ce livre que je vais citer. Donc, c'est un livre qui a été écrit, qui a été commandé par la Fédération CGT de la Métallurgie et par une journaliste de l'UMA, donc qui reproduit quand même largement un discours syndical. Et dans ce livre, elle fait le parallèle entre les musulmans, les OS musulmans et leur intégration dans le mouvement syndical et la participation des chrétiens dans les mouvements progressistes en France. Donc je vous cite rapidement ce qu'elle dit. Le monde chrétien en France est marqué par un fort courant progressiste. La démarche des prêtres ouvriers et le rôle qu'ils ont joué, qu'ils jouent dans le mouvement syndical, essentiellement au sein de la CGT, a montré que la convergence est possible avec le courant révolutionnaire. La religion islamique, quant à elle, est essentiellement véhiculée dans notre pays par les travailleurs immigrés, c'est-à-dire par ceux qui subissent les conditions de vie et de travail les plus difficiles, et donc ceux qui ont le plus intérêt à lutter pour le changement. Ce qui est apparu au cours du conflit Citroën, c'est que le patronat ne se contentait pas de porter atteinte à leur dignité d'ouvriers et d'immigrés, mais qu'il mettait également en cause leur dignité de musulmans. Donc, effectivement, ce côté parallèle, déjà, assez fort. Deuxième aspect, effectivement, c'est fortement sur la question de la dignité et comment est-ce que, voilà, ce qu'elle dit à la fin là, est véritablement pensée comme articulée. Par exemple, il y a un dirigeant de la Fédération de la Métallurgie CGT qui prend la parole sur un parking, qui fait un compte-rendu d'audience entre la CGT et la direction. Et il dit, donc je vous fais pas sur le ton harangue, hein, mais il faut le penser comme il est sur un camion avec une sono, donc il harangue les travailleurs. Il dit la chose suivante: tous les camarades qui composaient la délégation de la CGT ont défendu jusqu'au bout vos revendications. Il faut que vous sachiez que la direction, qui est en difficulté, continue à manœuvrer. Je vais vous expliquer ce qu'elle fait. Lorsqu'on parle de la dignité des travailleurs, on a demandé par exemple que la direction mette à votre disposition un lieu de prière comme ça se fait chez Renault et chez Simca. La direction, pendant toute la matinée et une partie de l'après-midi, a dit que ce n'était pas possible, que ça coûtait trop cher. Notre camarade Oufkir a défendu cette revendication avec beaucoup de force et à un moment donné, la direction a obtenu le soutien d'un syndicat qui s'appelle la CFTC, qui a proposé que si la direction ne veut pas, proposons aux camarades maghrébins, alors il dit toujours maghrébins, il a un peu un problème avec le terme, mais bon, d'utiliser les aires de repos pour les lieux de prière. Nous avons dénoncé cela. Vous devez donner aux camarades un lieu de prière pour qu'ils puissent, comme tout le monde, c'est une question de liberté et de dignité, pour qu'ils puissent, comme tout le monde, pratiquer leur religion. Et sur cette question, nous tiendrons jusqu'au bout. Nous lui avons dit aussi, c'était hier soir sur le coup de 10h30, la direction avait faim et elle a demandé une suspension de séance pour aller manger des casse-croûtes. Elle nous a envoyé un cadeau de la direction, des casse-croûtes. Je vais vous dire ce qu'elle a fait, la direction. La délégation de la CGT et la délégation CFDT est composée de camarades français et de camarades maghrébiens. La direction sait que c'est bien ce que mangent les camarades maghrébiens et ce que boivent les camarades maghrébiens. Eh bien, la direction, elle n'a envoyé que des sandwichs au porc et que du vin. C'est là encore une attitude qui montre qu'elle n'a rien compris au conflit, qu'elle n'a rien compris aux positions des grévistes, qu'elle n'a rien compris à la position de la CGT. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a renvoyé ses sandwichs au porc et son vin en disant « on ne mange pas de ce pain-là, vous avez pris une position dégueulasse, nos camarades immigrés, ils ont le droit de manger ce qu'ils mangent chez eux » et on leur a envoyé le vin qu'ils avaient ouvert et leurs sandwichs. Et s'ils les ont mangés, ils ont dû avoir une indigestion. Donc effectivement, ce côté, il en fait quand même des caisses hein, pour vraiment... Il pourrait dire, pour exprimer cette proximité, hein, notamment autour de la question des interdits alimentaires et des lieux de prière. C'est pas... Bon, donc ça c'est au moment de la grève. 30 ans après, bon, les discours sont un peu réévalués ou différents, et il y a d'autres registres de justification des positions syndicales qui sont exprimées. Et notamment des registres qui tiennent d'une part à la question de la sécurité au travail, au temps de pause dans le travail et à la question de la démocratie syndicale. Donc je vais vous donner deux extraits d'entretien qui sont faits l'un avec le secrétaire de la CGT de Citroën Aulnay à l'époque et l'autre avec la secrétaire de la CGT de Poissy. Donc le premier dit « Avant, la prière, ça se faisait un peu n'importe où. Quand ils avaient un peu de temps, au moment du repas, ils priaient directement sur le lieu de travail. C'est ce qui avait motivé la demande. En plus, ils voulaient faire leur prière dans des conditions décentes. Mais ça répondait à une attente, c'était majoritaire. Il a fallu en tenir compte. Après, on dit qu'on respecte la démocratie, même si on n'est pas d'accord. Mais ça se passait assez bien. Après, c'est rentré dans les mœurs et ça se passait pas trop mal. Ah, » Donc là, il y a le côté, voilà, le problème dans l'usine. Et surtout, effectivement, on est un syndicat. Qu'est-ce qu'on dit face à une demande qui semble majoritaire? Et l'autre militante syndicale. Donc la question religieuse ressortait au fur et à mesure que les choses commençaient à s'éclaircir dans l'entreprise. Il y a eu aussi des revendications à propos des lieux de prière, mais nous les avons demandées aussi. D'ailleurs, pas pour la religion elle-même, mais parce que ça pouvait mettre en danger les conditions de travail et la vie des gens, dans la mesure où il y a des personnes qui faisaient leur prière n'importe où, derrière une porte. Même par rapport à des questions de dignité, c'était... Donc, avoir des lieux complètement neutres où les gens peuvent aller, s'ils ont envie d'y aller, comme on a une salle de pause, on peut avoir une salle qui peut être réservée pour la prière. Donc, effectivement, il y a une tension hein, entre ce qui est des revendications syndicales légitimes, la sécurité, les pauses, les lieux pour les salariés, et puis peut-être ce qui pourrait sortir du cadre syndical, et donc hein, une tentation un peu de rabattre la question, la demande religieuse sur les exigences de sécurité et de conditions au travail. Et en même temps, ces syndicalistes français s'interrogent sur les ferments de division éventuels qui peuvent être contenus ou qui pourraient être contenus dans la question religieuse et s'interrogent sur la façon dont ça ne peut pas redoubler un clivage qui sépare, en gros pour le dire vite, les OS immigrés et les ouvriers professionnels français hein, avec... une imprégnation de la culture laïque éventuellement chez les Français qui peut jouer comme ferment de division. Il y a des questions tactiques stratégiques qui se jouent en tout cas pour les syndicalistes hein, sur comment est-ce qu'on unifie les salariés, autour de quoi, comment est-ce qu'on répond à une attente majoritaire, comment est-ce qu'on fait par rapport à une direction d'entreprise qui aussi peut chercher à répondre à la demande de lieux religieux. Et vient se greffer à ça la question de la concurrence entre syndicats, entre les syndicats et les associations immigrées, notamment celles qui sont proches des ambassades des pays d'origine. Et donc, je vous cite un entretien, donc c'est un militant syndicaliste de la CFDT, qui est responsable de la CFDT à Flins, mais qui suit énormément les conflits à Poissy. Donc il explique... Au départ, ceux qui ont introduit les revendications sur les lieux de culte, l'organisation du travail pendant le ramadan, c'est l'amicale des travailleurs et commerçants marocains qui était liée avec les directions d'entreprise et qui leur faisait miroiter que la satisfaction des revendications sur ce plan-là éloignerait les ouvriers des organisations syndicales et de la lutte revendicative. Il y a eu une espèce de concurrence sur ces revendications. Les organisations syndicales se sont complètement engouffrées et quand je dis les organisations syndicales, c'est bien les militants immigrés. Dans la CFDT, ça a été l'objet de très nombreux débats. On était un certain nombre de militants à être assez mal à l'aise vis-à-vis de ces trucs-là, mais bon, il y avait des militants qui nous demandaient de sortir des calendriers religieux, du Ramadan, etc. Mais si la CFDT ne le faisait pas, de toute façon, c'était FO qui le faisait, et la CGT s'engouffrait derrière. On n'a jamais voulu inscrire la revendication des lieux de prière, mais ça nous a coûté plutôt cher à partir d'un certain moment. Hein, donc une tension, effectivement, où la question religieuse en soi est prise dans d'autres enjeux qui dépassent largement la stricte pratique syndicale. Voilà. Et dernier élément un peu sur ces attitudes d'ouvriers, de syndicalistes français, c'est aussi qu'est-ce qui peut échapper à la compréhension et à l'appréhension des événements, des phénomènes sociaux par eux-mêmes, par les syndicalistes français. Et comment est-ce que justement ce qui se passe, ce lieu mystérieux finalement que constitue le lieu de prière au sein d'une usine pour des syndicalistes français, comment est-ce qu'on peut l'appréhender? Donc la même syndicaliste que tout à l'heure à Poissy explique. En même temps, on s'est aperçu très rapidement que ces salles de prière devenaient des vrais lieux de débat, de combat, de pression. Une autre forme de pression, donc une autre forme par rapport à la pression de la direction d'entreprise. C'est là où je discutais aussi beaucoup des positions à avoir, à prendre sur des questions revendicatives. Ces choses-là se discutaient à ces endroits-là. Je ne peux pas vous dire comment, mais pour nous, la relation, elle a été faite de manière assez évidente. Il y avait des gens qui allaient de chez nous, enfin qui étaient de chez nous, qui étaient syndiqués. Voilà, qui revenait avec des arguments qui parfois n'allaient pas toujours dans le même sens. Sans porter de jugement, hein, mais il y a eu incontestablement un rôle qui a été joué. Ça ne pouvait plus être les lieux de prière, mais aussi des lieux de débat politique, où des lieux de débat politique pouvaient intervenir. Donc il y a aussi, voilà, elle n'est jamais très claire quand elle explicite ça. D'autres vont dire des choses différentes, mais en tout cas, il y a une part enfin, le fait de ne pas pouvoir saisir ce qui se joue dans ces lieux. Crée aussi un sentiment particulier chez les syndicalistes français. Et donc, une interrogation sur est-ce qu'en gros, tout ça plutôt va pas nourrir une allégeance à la direction? Est-ce que ça va être un ciment d'unité ou de division des salariés? Donc, il y a vraiment une hésitation sur la pertinence, et en tout cas, pas sur la pertinence en tant que telle, mais sur les conséquences d'ouverture des lieux de prière qui peut s'exprimer, et en même temps, une obligation qui est reconnue. Hein, sur le fait qu'il faut, de toute façon, en termes de droit, accéder à cette revendication. Et en même temps, tous ces syndicalistes-là disent que j'interview là, enfin, dans une période très contemporaine, disent en même temps, c'est pas pareil qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas d'intégriste. Hein, donc, aussi, beaucoup rejettent cette idée-là qu'il y aurait eu une manipulation intégriste ou des intégristes dans les usines. Deuxième groupe, j'irai plus vite là-dessus, c'est les ouvriers musulmans, alors ceux que j'ai rencontrés, hein, donc pas de généralisation hâtive, hein, qui étaient syndicalistes, grévistes puis syndicalistes, eux, pour le coup, ils évoquent jamais d'éventuels problèmes de division ou de problèmes posés aux autres ouvriers, et le droit aux salles de prière est vraiment complètement intégré dans un discours plus général sur les libertés, sur la dignité, sur ce qu'on est en droit d'attendre en tant que musulman, pour certains qui ont, lui, enfin, je pense à un en particulier qui a obtenu la nationalité française, hein, donc qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de l'entreprise ou de la France en termes de pratique et de liberté religieuse. Donc ça, en gros, pour ce groupe-là, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment de problème très, très ciblé. Troisième type d'acteurs, donc on va dire les militants syndicalistes issus de la gauche marocaine. Bon, je pense à enfin, quand je parle de la gauche marocaine, là, dans ce cas-là, je pense à deux organisations, donc l'Association des travailleurs marocains en France et le PPS, donc le Parti du Progrès du Socialisme, en gros le Parti communiste marocain à l'époque, donc plutôt des gens qui se réclament de la laïcité, qui sont en concurrence avec l'amicale des Marocains, donc qui est plutôt liée à l'ambassade, et qui vont décrire l'ouverture des prières comme une extension des droits. Hein, il y en a un qui dit, par exemple, il parle de l'élargissement des espaces à conquérir, hein, comme si, effectivement, dans l'usine, il y avait l'espace de la production et puis d'autres types d'espaces où, effectivement, dans lesquels les ouvriers peuvent gagner de plus d'autonomie, hein, et font un parallèle entre le local syndical et le local de prière. Deuxième type d'attitude, c'est le fait que l'attachement à la religion et donc la revendication de l'ouverture des lieux de prière peut être un moyen partiel de contrecarrer l'image dégradante qui est renvoyée par l'organisation du travail et par les rapports avec la hiérarchie. Donc un militant de la TMF, donc l'Association des travailleurs marocains en France, explique: moi je suis laïque, je suis pour qu'on sépare tout ce qui est politique de la religion, chacun se démerde avec sa religion, ça reste un pays. Mais on sentait dans cette revendication, donc l'ouverture des lieux de prière, c'était redonner la dignité aux gens qu'ils ont perdu à l'intérieur de l'usine. Moi, à l'extérieur, je me sens bien en France, mais dès que je rentre, ça me serre les tripes. Je sens qu'il y a des gens qui t'en veulent beaucoup parce que tu es immigré. Tu travailles et tu t'es, et c'est tout. De 8h à 18h, t'as rien à dire. Quand on revendique une mosquée, on dit qu'on veut faire la prière deux fois, trois fois par jour. C'est un peu de la dignité des gens. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc la croyance est plutôt mise à distance hein, dans ces explications-là. C'est plutôt la façon dont la pratique religieuse peut être intégrée comme un marqueur d'autonomie, le fait de conquérir une petite victoire face au temps et à l'espace de l'usine. Comme par ailleurs, il y a beaucoup de sociologues du travail qui décrivent finalement ce genre de jeu un peu sur sur le temps de travail, sur les cadences, etc. Ben, il y a un peu cette idée-là qu'on prend un peu de l'espace et du temps sur le temps et l'espace strictement industriel. Pour finir sur cette première partie, ce rapport à l'islam dans les luttes, dans les grèves et surtout dans le discours syndical continue après le conflit de 82 à Citroën. Je vais vous donner trois petits exemples qui sont des extraits de tracts hein, pour aussi vous dire que c'est pour montrer que c'est pas juste à l'oral des expressions de meeting, mais ça passe aussi sur des traces sur les traces écrites par voie de tract. Et donc par exemple le tract d'appel aux élections du comité d'établissement en décembre 82 à Citroën donne l'exemple de plusieurs ouvriers qui appellent à voter pour la CGT, et l'un d'eux donc dit la chose suivante: je suis musulman. Je voudrais que mes frères réfléchissent afin qu'ils comprennent d'eux-mêmes qui respectent leurs convictions religieuses, qui respectent le droit à la différence. Cela en se posant la question, qui nous a permis d'obtenir les lieux de prière? Dignité pour la direction, ça ne veut rien dire. Pour eux, nous sommes comme un troupeau dociles que l'on guide, que l'on manipule, comme si nos frères qui sont à la tête du syndicat allaient nous manipuler. Pour moi, gagner le CE, ce sera la victoire de la vérité, de la clarté. Ce sera la possibilité de faire voir que nous sommes des hommes capables de s'exprimer, de décider. À peu près au même moment, enfin à la rentrée 82, vers le mois de septembre ou octobre, il y a un bulletin de syndiqués qui est publié par la CGT, toujours à Aulnay, et il y a un appel à cotiser au syndicat. Un des arguments utilisés, et c'est la chose suivante: cela ne vaut-il pas la peine de dépenser un peu plus d'un franc par jour pour vivre en homme libre, pour avoir les cadences que l'on peut tenir, des locaux syndicats où il fait bon discuter avec nos frères, des lieux de prière pour nous recueillir, pour voir nos camarades musulmans heureux, pour avoir des délégués qui savent tenir tête au chef, pour améliorer nos salaires. Et dernier exemple, un tract en février 83 qui mentionne un événement qui vient de se passer. Donc il y a un tract un peu général et il y a des tirets. Et un des tirets, c'est: mettre une tête de porc dans le vestiaire d'un hadj, frère âgé et religieux, c'est ignoble. C'est une atteinte à ce qui est le plus cher à chaque homme, le droit d'avoir des opinions philosophiques, religieuses ou politiques. Ah, donc on voit effectivement, il y a cette question de la religion est construite comme un enjeu syndical dans l'entreprise. Ça nourrit l'idée qu'il n'y a pas une contradiction apparente entre une conscience de classe et une conscience religieuse. Hein, mais plutôt que les deux peuvent aller de pair. Même si, à contrario, hein, on a, comme je l'ai dit, un discours anti-syndical et anti-gréviste qui peut également faire appel à la religion. Alors, deuxième aspect, deuxième partie, les lectures du conflit. Donc, il y a différents acteurs qui vont faire des lectures de ces conflits de 1982. Dans le camp progressiste au sens large, effectivement, la grève de Citroën et la victoire des ouvriers est largement célébrée. C'est une victoire qui vient contrecarrer un patronat assez autoritaire. Il y a un poids assez nouveau acquis par les syndicats, la CGT, un petit peu la CFDT. Et puis, au niveau politique, il y a une concordance entre les cette victoire-là et les lois Auroux, hein, qui sont en débat à ce moment-là, qui vont être donc sur les droits nouveaux des travailleurs, hein, qui vont être adoptés peu de temps après, et un parallèle qui est fait entre donc, la grève de mai 82, perçue comme une libération, et la victoire de Mitterrand un an avant. Alors, j'ai essayé de comparer justement un peu quelle lecture on peut avoir, quelles lectures sont faites de ces conflits-là. Alors, pas de façon exhaustive, hein, j'ai fait des zooms un peu sur quelques aspects. Si on prend le discours syndical, l'idée c'est qu'en gros, on a un prolétariat immigré qui est en voie d'intégration dans la classe ouvrière française, hein, notamment son intégration dans le syndicalisme. Par exemple, André Saint-Jean, qui est à l'époque secrétaire de la fédération CGT de la métallurgie, donc le gros bastion syndical, hein, explique « La lutte mêle cependant dans une même usine 10, 15, 20 nationalités différentes, mais toutes font partie d'une même et unique classe, la classe ouvrière. La détermination, la confiance et la solidarité de lutte se sont traduites par un resserrement des liens entre tous les exploités, hommes et femmes, représentant les uns et les autres une riche diversité de traditions et de cultures, ayant aussi sur les plans politiques, philosophiques et religieux des sensibilités très différentes. Je refuse personnellement le terme de grève d'immigrés, car elle reviendrait à réduire considérablement la portée de ce conflit. Il s'agit très exactement d'une lutte de travailleurs, une lutte de travailleurs OS qui apporte un coup décisif aux formes du taylorisme pour élever à leur dimension réelle de responsabilité, de qualification, le travail et l'homme au travail. » La CFDT dit, bon, avec moins d'emphase, hein, mais dit à peu près la même chose. Hein. « L'enjeu est considérable pour le mouvement ouvrier français, pour la syndicalisation des travailleurs immigrés et notre capacité à faire l'unité entre eux et la classe ouvrière française. Hein, » Donc il y a cette idée. On est en train de construire une unité autour des syndicats entre Français et immigrés. Et la question de l'islam, sauf bon, l'idée qu'il y a différentes croyances ou différentes... les différents philosophiques et religieux ou politiques, est jamais évoqué dans les textes de bilan syndicaux, hein, très, très, très peu mentionné. Par contre, c'est surtout dans le camp des antigrévistes que la question de la religion va être mobilisée, et sur deux plans. Le premier plan, c'est la manipulation de l'islam par la CGT, et le deuxième, c'est l'existence véritable d'un problème musulman dans les conflits. Alors, premier plan, on a effectivement, moi je suis tombé sur un certain nombre d'écrits patronaux ou d'auteurs plutôt marqués à droite, où effectivement c'est des attaques à charge contre la CGT qui est accusée de préparer la prise du pouvoir, de fomenter le désordre, etc. etc. Et dans ce cadre-là, l'islam n'est pas tellement décrit comme un problème en soi, mais comme une façon dont qu'à la CGT d'enrôler un certain nombre d'ouvriers immigrés qui sont, dans certains écrits, donc catégorisés comme musulmans. Et donc effectivement, à travers ça, on a un discours qui est produit sur ces ouvriers qui, de fait, perdent un peu de leur catégorisation sociale pour être réduits à des musulmans. Alors quelques exemples. Un premier livre qui s'appelle « La CGT à la conquête du pouvoir », donc qui est écrit par Claude Armel, donc qui traite du cas de la grève de Poissy. Alors Claude Armel, c'est quelqu'un qui est mort l'an dernier, qui a un parcours un peu particulier. Il a été à la SFIO dans les années 30, il a été collaborateur du régime de Vichy, pardon. Il a fondé l'Institut supérieur du travail, qui est plutôt une officine de conseil du patronat. Il est très lié à l'Union des industries de la métallurgie, donc le patronat de la métallurgie. Il participe par ailleurs à un truc qui a été monté par des gens de gauche qui s'appelait l'Institut d'histoire sociale. Et il est quand même un petit peu reconnu puisqu'il est l'auteur d'un que sais-je sur la CGT. Donc il est à droite, en tout cas, un spécialiste, entre guillemets, du syndicalisme. Donc il évoque dans son analyse du conflit le réveil de l'islam, et donc il fait un parallèle entre le réveil de l'islam en Iran et le réveil de l'islam dans les usines françaises, et donc la question de la manipulation dont seraient l'objet les travailleurs émigrés, et qui passe essentiellement par la question de la religion. Et ce discours-là est porté par deux thématiques. L'argumente sur deux à deux niveaux. la contradiction entre l'athéisme des communistes et la manipulation de la religion d'un côté, et l'antisémitisme supposé des musulmans qui seraient flattés par la CGT. Donc il explique donc deux extraits, hein. Les communistes ont le mépris de la religion. Toutefois, contrairement aux adversaires traditionnels de la religion, ils ont renoncé à attaquer les croyants sur leurs croyances. En conséquence, eux qui méprisent les religions et les croyances spiritualistes, ils ont donc décidé de les utiliser. C'est ainsi que chez Talbot, plusieurs mois avant l'agression du 2 juin, donc le début de la grève, ils ont tenté de pénétrer parmi les immigrés en mettant en avant, eux, les athées par principe, eux qui surenchérissent volontiers en fait de laïcité sur tous les autres, une revendication religieuse. Premier aspect, cette contradiction, et donc la façon dont, effectivement, s'il y a contradiction, ça veut bien dire que la CGT manipule le sentiment religieux à des fins inavouables. Deuxième aspect, deuxième citation, les communistes savent parfaitement que les musulmans sont volontiers antisémites. Les communistes condamnent assurément de telles tendances, mais si on peut les utiliser pour la bonne cause, pourquoi ne pas y faire appel? Hein, donc l'idée qu'il y a quand même un soubassement antisémite chez les ouvriers musulmans, mais que pour la CGT, ça ne pose aucun problème et qu'elle peut l'utiliser. Deuxième type d'analyse, une petite brochure qui est produite par une officine aussi de conseil au patronat qui s'appelle le Centre d'études des entreprises, Centre d'études des entreprises, donc né en 64 d'une rencontre entre responsables d'entreprises qui se heurteraient à des difficultés sociales, c'est-à-dire en langage clair, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des grèves dans nos entreprises. Donc qui reprend la même thématique sur la violence sur une violence de la CGT, sur la façon dont les immigrés servent de masse de manœuvre aux visées syndicales. Et les immigrés, là, sont surtout décrits comme des victimes de la CGT qu'elles utilisent à leur corps défendant. Hein, donc l'idée d'une espèce d'infantilisme des ouvriers immigrés, puisque la CGT peut en faire à peu près ce qu'elle veut. C'est vraiment le terrain d'expérimentation du syndicat. Et dans les représentations cette analyse construit, il y a également donc la question de l'appartenance religieuse de ces travailleurs. Donc, il est dit notamment, ces musulmans alignés sur le parking vers la Mecque, j'ai parlé des images, hein, qu'on avait des prières collectives, donc ces musulmans alignés sur le parking vers la Mecque, qui récitent leurs prières au son des slogans religieux scandés en arabe par les haut-parleurs de la CGT, ces scènes rappellent tout à fait celles de l'Iran romainiste. Hein? Et donc là, effectivement, on voit le poids aussi du contexte international et le fait que on est dans une phase où les représentations médiatiques de l'islam sont extrêmement travaillées par la révolution en Iran, hein, comme l'a montré Thomas Delton, qui a travaillé sur les représentations médiatiques de l'islam, et comment est-ce que donc à l'échelle d'un conflit social, l'idée que on ressuscite l'idée d'un islam un peu séculaire et hostile à la modernité occidentale. Troisième exemple qui va dans la même veine, toujours sur cette idée de manipulation de l'islam par la CGT, donc ce livre, qui n'a pas fait grand bruit, hein, bien sûr, qui s'appelle L'école des esclaves Citroën de la vérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est rédigé par un groupe de cadres de Citroën suite au conflit. Donc, pareil, il y a une même thèse générale de la violence de la CGT visant à renverser le pouvoir de Citroën. Et donc, alors avec force vocabulaire militaire employée, et donc l'idée que la CGT emploie des troupes immigrées. Et dans ce cadre-là, l'islam est également perçu comme un facteur de mobilisation. Voilà. Donc il est évoqué l'excitation du sentiment islamique avec la prière sur le parking, l'intervention du religieux. Et puis donc toujours pareil, l'idée bon, les idées circulent, hein, entre les différentes publications, hein, bien sûr, l'utilisation du racisme, enfin de l'antisémitisme supposé des musulmans, donc exaspération de l'antisémitisme assimilant juifs, fascistes et tyrans. Hein, donc là, on a ce côté, voilà, c'est un peu, qui reprend un peu ce que j'ai déjà dit, avec un élément aussi qu'on retrouve ailleurs. L'idée que tout ça se joue sur un mode irrationnel, hein, que effectivement la religion étant un phénomène irrationnel, donc les Maghrébins sont fanatisés. On parle de population musulmane. Alors, bon, j'avais préparé quelques extraits, mais comme le temps passe, je vais peut-être les passer vu que c'est un peu redondant par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais voilà, il y a un peu cette idée-là. Donc voilà. Et c'est un discours qu'on va retrouver, là c'est plus, ça concerne strictement l'usine, hein, et le syndicalisme, mais c'est un truc qu'on va retrouver partiellement en tout cas, dans le débat politique local à Aulnay-sous-Bois, quelques mois après, hein, parce que donc il y a les élections municipales au mois de mars 83, et on retrouve un tract de la liste menée par le RPR qui s'intitule La faucille et le Coran, où il est dit: pour le maire communiste d'Aulnay, il s'agit tout simplement d'utiliser les immigrés pour en faire une masse de manœuvre destinée à semer le désordre et à accentuer la déstabilisation de notre pays. Notre maire participe pleinement de cet effort. Ne s'emploie-t-il pas particulièrement à développer les ferments révolutionnaires en entassant les populations immigrées dans les cités ghettos d'Aulnay Nord pour les confier ensuite à la CGT afin de bloquer nos usines, hein? Donc là, voilà, la faucille et le Coran, on voit bien, c'est assez clair sur l'utilisation de CGTPC de l'islam. Donc ça, première grille de lecture des événements, l'idée qu'il y a une manipulation syndicale de la question religieuse. Deuxième type de niveau d'analyse, c'est véritablement la perception d'un problème musulman dans les luttes sociales de 1982. Et en ce que ça révélerait un changement d'attitude parmi les ouvriers immigrés. Alors je m'appuie sur deux notes que j'ai trouvées dans les archives. La première, c'est une note qui est interne à la direction de PSA, donc enfin Peugeot, enfin, le groupe Peugeot, hein, qui est propriétaire de Citroën. Donc c'est une note qui est rédigée à l'issue des grèves de 82, au mois de juillet 82, et qui est intitulée « Le problème musulman dans les événements Citroën et Talbot de mai-juin 82 ». Donc c'est une note qui essaye un peu d'analyser ce qui se passe et d'analyser les mutations qui touche le groupe des ouvriers immigrés, notamment en observant une césure profonde créée par les grèves. Donc, en gros, la description de la situation avant les grèves, donc des usines composées donc d'une forte minorité musulmane. Donc, on voit déjà que la forme de caractérisation des ouvriers passe par l'élément religieux, bon, avec un groupe de Marocains majoritaires, essentiellement des Berbères du Sud. Donc une population traditionnellement frondeuse et dissidente qui a conservé son organisation tribale. Donc, il y a une caractérisation religieuse, mais il y a aussi des caractéristiques ethniques, je ne sais pas comment trop les qualifier. Voilà. Et puis donc, on explique pourquoi est-ce que les Marocains sont majoritaires dans les entreprises. Donc, parce que cette ethnie l'emportait sur toutes les autres par ses qualités de travail. Parce que le recrutement était effectué sur des zones limitées, et puis des logiques de parrainage, hein, qui faisaient qu'il y avait des reproductions entre familles ou entre proches venant des mêmes villages, qui faisaient que ça. C'est un facteur qui augmentait la population marocaine. Avant la grève, donc, cette population musulmane donc, est extrêmement calme, elle est en voie d'intégration, et elle voit sa pratique religieuse diminuer progressivement. D'autant plus que. Donc, ça, premier aspect. La pratique religieuse diminue, et puis, vu que les embauches ont été arrêtées dans ces entreprises, les Marocains de la deuxième génération, donc qui sont beaucoup plus remuants que leurs parents, n'ont pas été embauchés. Donc, une population assez calme, et malgré tout, quand même, donc une population qui a beaucoup de qualités, mais une minorité musulmane qui exigeait d'être encadrée, hein, donc, et c'est le syndicalisme indépendant qui se charge de cet encadrement. Premier moment de l'analyse, la situation avant la grève. Deuxième moment, ce qui est intitulé la prise de contrôle. Donc, il n'y a pas de préparation a priori de la CGT sur cette population, mais il est analysé donc la mainmise sur l'élément musulman en majorité marocain du personnel. Et donc, véritablement, les grèves sont analysées comme un phénomène musulman. Et la preuve en est que si on compare avec. Si on fait une comparaison entre certains ateliers où il y a des Portugais, ces ateliers-là n'ont pas été en grève. Par contre, si on compare avec des ateliers où il y a des musulmans, ceux-là ont été en grève. Et donc, on met en parallèle des catégories de Portugais, donc catégories nationales, et catégories musulmanes, donc catégories religieuses, hein. Donc, on voit déjà bon, un prisme de lecture derrière tout ça. Et donc tout ça a été rendu possible par un renouvellement des pratiques syndicales, donc qui serait basé sur la référence islamique et sur la violence. L'ensemble de la propagande cégétiste a été focalisé sur l'aspect islamique, premier aspect. Deuxième aspect, les tracts, les banderoles, les discours, les chants diffusés par la Sono, les drapeaux verts concouraient à cet objectif. Certains tracts en particulier n'hésitaient pas à faire appel au racisme, voire au meurtre. Et donc un aspect particulier de ces événements-là, c'est la revendication religieuse, les prières publiques ostentatoires, la demande de création de mosquées, et donc des éléments irrationnels, la présence d'un sorcier à Poissy, et donc l'appel à la grève sainte. Hein, donc ce sorcier, bon, du mal à... Ouais, 10 minutes, ok. Et donc ça, c'est le moment de la grève en elle-même, et après, effectivement... Il y a une analyse sur les risques encourus par les entreprises et par l'industrie française. L'idée qu'il va y avoir un maintien du désordre, un maintien de la violence, mais surtout que cet élément musulman que la CGT a chauffé à blanc risque complètement de lui échapper. Hein, le danger, en poussant la minorité musulmane à des manifestations désordonnées, de voir se développer un climat de racisme en France. Et le fait que, effectivement, il y a, comme je l'ai dit, des éléments irrationnels qui rentrent en jeu, risque effectivement de faire que la CGT va voir s'échapper ce phénomène. Et donc, si traditionnellement, on avait un peu dans les années 70 un discours assez récurrent sur les manipulations ou l'influence de l'extrême gauche, ça c'est un truc qu'on retrouve un petit peu dans ces analyses-là, mais c'est surtout effectivement une nouvelle donnée qui tient à l'utilisation de l'islam par la CGT et, là, pour la première fois, enfin, de ce que j'ai perçu en tout cas, la possible influence de mouvements identifiés comme intégristes. Ouais, il est dit, il y a enfin le risque non négligeable de voir des mouvements intégristes, soit spontanés, soit venus du Proche-Orient, s'efforcer de tirer bénéfice de cette agitation. L'Union des travailleurs marocains en France est à nouveau manifestée. On a vu apparaître une nouvelle association d'aide aux travailleurs marocains. Certains leaders marocains, en particulier chez Talbot, sont connus pour leur lien avec les mouvements intégristes de leur pays d'origine. Voilà, donc ça c'est aussi posé. Hein. Voilà. Alors, c'est difficile de. Cette note, moi je l'ai retrouvée dans les archives. Je ne sais pas qui en est l'auteur, je n'ai pas pu interroger les directions de PSA, donc je ne sais pas quel effet elle a eu. Mais ça montre au moins qu'il y a l'existence d'un mode de compréhension des événements par le religieux qui évacue l'ensemble du contexte social des usines, l'ensemble des formes d'encadrement assez dures, et puis une hésitation quand même permanente entre effectivement des caractérisations nationales, ethniques et religieuses. Et dernier élément qui me semble important, c'est la façon dont est décrit la rencontre entre une espèce de rationalité qui serait celle du syndicat et l'espèce d'irrationalité liée à la religion, et comment c'est la rencontre de ces deux phénomènes qui crée ce désordre. Deuxième archive qui m'a permis un peu de voir ça, c'est une note d'information qui est rédigée en janvier 83 donc par un conseiller du ministère du Travail, qui fait une analyse beaucoup moins catastrophiste des choses. C'est une note qui étudie le rôle des ressortissants marocains, qui est indéniable hein, dans les conflits, et qui dit à la fois, d'un côté, il y a le rôle de l'AMF, donc l'Association des Marocains en France, qui entretient une mentalité progressiste issue des luttes des politiques internes au pays d'origine. Donc ça, pourquoi pas. Enfin, effectivement, il y a eu des militants de l'AMF qui étaient investis dans les conflits, enfin, plutôt de la TMF d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas très précis en fait, sur les associations dont ils parlent. Deuxième aspect, il y a aussi effectivement le rôle de la religion. Donc cette note dit « L'aspect confessionnel est cependant apparu clairement lors des conflits du printemps dernier dans le groupe PSA. Exigence d'un lieu de prière, incantation religieuse lors des manifestations, bannière de l'islam, appellation frère entre compatriotes et ethnies musulmanes. On remarque d'ailleurs actuellement une pénétration des thèses de l'intégrisme islamique dans certaines sociétés françaises à population ouvrière musulmane. Il a été constaté que plusieurs ouvriers émigrés de ces entreprises, en majorité d'origine marocaine, avaient effectué des périodes de formation relativement longues dans certains pays tels que l'Iran, l'Inde ou le Pakistan, et qu'à leur retour, ils avaient entrepris de rallier leurs co-religionnaires à leur doctrine. Il a été aussi perçu que dans les conflits de l'industrie automobile, les grévistes les plus intransigeants appartenant à l'Association des Marocains en France étaient soutenus par les frères musulmans qui prêchent un strict respect de l'islam. Alors, il faudrait faire... Enfin, je ne suis pas complètement... spécialiste de l'histoire des associations marocaines, en tout cas de l'AMF ou voire la TMF dont il est question aussi. Mais en tout cas, c'est une fédération extrêmement laïque et le lien avec les frères musulmans me semble extrêmement douteux. Donc voilà, y a un côté un peu fantasmatique dans tout ça, qui en tout cas montre que le prisme musulman de la lecture des conflits existe véritablement hein, au sortir de l'année 82. Troisième partie, comment est-ce que ça sort un peu du terrain, quoi. En gros, comment est-ce que ça prend une autre dimension? Et ça, effectivement, je crois qu'il faut essayer de voir un peu à quel moment on est de la politique d'immigration du gouvernement socialiste en 82-83. Donc 81, c'est plutôt, on va dire, les régularisations de 130 000 sans-papiers, le droit d'association, etc. Donc plutôt une approche, on va dire, perçue comme progressiste en faveur des immigrés. Et puis, des conflits quand même au sein du gouvernement entre le ministère de l'Intérieur et le secrétariat d'État aux immigrés. Et l'idée que finalement, il y a une espèce de flou artistique à ce moment-là, dans la fin de l'année 82. Donc Patrick Veil, par exemple, qui a fait une thèse assez importante sur l'histoire un peu des politiques d'immigration, explique que donc en fin 82, la gauche ne dispose plus de logique d'action dans le domaine de la politique d'immigration. Par ailleurs, c'est une des dimensions de la politique de la gauche qui est la plus contestée dans les sondages, hein, la moins populaire. Et donc, il va y avoir un recentrage, en tout cas une réorientation de cette politique en 83 avec la nomination de Georgina Dufoy, et qui va exprimer une politique beaucoup plus restrictive, hein, avec des objectifs, c'est surtout la lutte contre l'immigration illégale, la maîtrise des flux, l'accroissement de la répression contre les clandestins, le renforcement des moyens de lutte contre les trafics de main-d'œuvre, des restrictions sur le regroupement familial, et puis, bon, ça viendra après, mais aussi toute une relance de réinsertion dans le pays d'origine. Un changement, un changement de cap. Par ailleurs, effectivement, la question de l'islam dépasse, donc, comme je l'ai dit, le champ des usines largement, hein, avec à la fois au niveau français, puis bien sûr pris dans un contexte international extrêmement important. Il y a des écrits qui sont produits à ce moment-là, des recherches qui se mènent. Hein, le premier livre de Gilles Kepel, par exemple, publié en 84, Le prophète et le pharaon, il commence sa recherche qui la conduira à écrire Les banlieues de l'islam, naissance d'une religion en France en 87. Et donc, dans une série de ces décrits, effectivement, il y a deux dimensions, hein, qui ne sont pas complètement corrélées, mais quand même un petit peu, des fois. Le développement de l'intégrisme dans le monde, donc conséquence de la révolution iranienne, et l'islam ouvrier. Donc, il y a un des livres, par exemple, qui est symptomatique un peu de cette approche, c'est Le radeau de Mahomet, d'un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Perroncel-Hugo. Et donc, c'est un spécialiste correspondant du Monde à Alger, au Caire, donc spécialiste un peu du monde religieux. Il fait partie des lectures que les conseillers ministériels conseillent à leur ministre de tutelle. Et donc, il décrit l'expansion de l'intégrisme musulman au Proche-Orient, au Maghreb. Et donc, il mentionne l'existence de grèves saintes. Et il alerte donc sur l'hypothèse du retour en force de l'islam en Europe au siècle prochain. Et il craint qu'à travers l'islam familier ne s'introduise pas dans la bergerie le loup intégriste. Et il met en garde au gouvernement qui doit compter donc avec la surenchère islamique de syndicalistes proches du Parti communiste. Et pour montrer un peu la portée du phénomène, je vous ai juste montré, alors je ne sais pas si on voit très bien, voilà, deux dessins de presse qui sont assez exemplaires de cette période. Donc, un dans France Soir, donc Mauroy disant à Mitterrand, donc tous des ayatolliers, donc devant des immigrés en grève qui ressemblent fortement à Roménie. Et le deuxième, donc Jacques Faisan, Le Figaro, donc une agitation religieuse, donc c'est Krasuki et Edmond Maire, hein, qui fume la pipe, là, qui s'adresse à Mauroy, donc une agitation religieuse islamique chez Renault, vous rigolez donc, et donc l'idée est donc avec une voiture recouverte d'un voile. Donc voilà, et preuve supplémentaire de la portée quand même de ce phénomène-là, c'est que Thierry Le Luron, donc comique bien connu à l'époque, au plus haut de sa gloire sans doute, un personnage qui s'appelle Monsieur Glandu, un personnage qu'il utilise pour faire ses sketchs, et donc il fait dire à son personnage que à Aulnay, les ouvriers font les 3-8, 8 heures d'arrêt de travail, 8 heures de grève, 8 heures de prière. Hein, donc l'idée qu'effectivement, la grève, la prière, tout ça va un petit peu ensemble, quoi. Voilà. Et tout ça, bien sûr, est sous-tendu quand même par qu'est-ce qui fait que ça, que ce soit ces sketchs ou ces dessins-là existent, c'est des discours de membres du gouvernement, hein, qui, au début de l'année 83, ont véritablement donné une portée beaucoup plus importante à l'appréhension des grèves par le religieux. Donc, je vais vous citer quelques citations pour vous donner un peu l'état d'esprit. Donc, Pierre Mauroy, Premier ministre, en janvier 83, il dit la chose suivante. Les principales difficultés sont posées par des travailleurs immigrés, agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises. Gaston Defferre va parler d'intégrisme et de chiite, en sachant que l'islam chiite en France, à ce moment-là, est quand même assez peu développé, donc à propos des ouvriers. Et Jean Auroux, qui va être donc, ministre du Travail, hein, va aller plus loin, enfin, va dire plus de choses. Donc l'expression religieuse ne peut pas être institutionnalisée dans les entreprises qui sont avant tout des lieux de travail. S'il est prouvé que des influences extérieures, d'inspiration religieuse ou politique, ont pesé sur le comportement des immigrés en grève, alors le gouvernement prendra ses responsabilités, et en premier lieu le ministère du Travail. Nous ne tolérerons pas que ces attitudes compromettent la réussite des entreprises en agissant contre l'intérêt national. Donc, 2 février, il y a à l'évidence une donnée religieuse et intégriste dans les conflits que nous avons rencontrés, ce qui leur donne une tournure qui n'est pas exclusivement syndicale. Lorsque des ouvriers prêtent sur le Coran dans un mouvement syndical, il y a des données qui sont extra-syndicales. Un certain nombre de gens sont intéressés à la déstabilisation politique ou sociale de notre pays parce que nous représentons trop de choses en matière de liberté et de pluralisme. Nous leur avons donné, donc leur, c'est les ouvriers immigrés vraisemblablement, nous leur avons donné une liberté nouvelle, à charge pour eux d'entrer dans le jeu des institutions nationales et des syndicats représentatifs. Je ne tolérerai pas la création de syndicats particularistes fondés sur une finalité qui ne serait pas la défense des salariés ou qui serait le regroupement d'étrangers refusant d'accepter les règles de notre pays. Donc on a, à travers ces discours, tout un jeu d'opposition entre l'étranger et le national, le syndical et l'extra-syndical, les groupes religieux et politiques, les réalités sociales françaises, les influences extérieures, la réussite des entreprises et l'intérêt national, la déstabilisation politique et la liberté et le pluralisme, le particularisme et les institutions nationales et les syndicats représentatifs. Et puis donc on a un lien de cause à effet ou un glissement sémantique, hein, entre immigration, conflit, religiosité, intégrisme, déstabilisation de la France. Et donc là je crois qu'on peut voir quand même certain nombre d'indices, en tout cas, qui montrent qu'il y a un déplacement des lectures du monde social, des lectures de ces luttes ouvrières. On a une mise à distance de l'identité de travailleur et on lui substitue une identité religieuse. Il y a vraiment une tension entre les catégories qui se focalisent vraiment à ce moment-là. Ouais, j'ai presque fini, je conclue. Et donc, il y a notamment, par exemple, un ouvrier immigré me disait, synthétisait très bien cette périodisation. Mon roi, il nous a traités de terroristes, même Jean Auroux. Un jour, ils nous ont applaudi, et un jour, ils sont en train de nous gifler. Ils nous ont traités d'ayatollah, de terroristes. Ah, donc, il y a l'idée, effectivement, un jour, on soutient, enfin, le gouvernement soutient les grèves, donc, et il n'y a pas de question religieuse, et puis après, il ne les soutient plus, et la question religieuse apparaît. Donc, en conclusion, moi, j'ai l'impression que dans ces années 82, 83, 84, on a à la fois on a la conjonction d'une crise industrielle et de ce que Gérard Noriel appelle une nouvelle matrice discursive. Et c'est véritablement ces deux éléments qu'il faut appréhender ensemble. Puisqu'on a vu quand même qu'une série de discours sont basés sur la question de l'avenir de l'industrie française, que c'est aussi ça, bien sûr, qu'il faut qu'il focalise l'attention. Par ailleurs, donc c'est un moment où se produit effectivement des nouveaux discours sur l'immigration, soit au niveau politique, au niveau des sondages, au niveau des médias, et qui va mettre en correspondance en fait des événements qui ont assez peu à voir, voire pas du tout de relation les uns avec les autres. Hein, on va avoir la révolution iranienne, les violences urbaines dans les quartiers populaires, les luttes ouvrières, des éléments qui sont quand même voilà, des causes assez différentes, mais finalement des dénominateurs communs à travers la présence d'acteurs qui sont catégorisés alors selon les approches comme immigrés, comme arabes, comme, ou comme musulmans. Et ça, ça renvoie effectivement aussi à un déplacement des discours, alors qui ne datent pas de ces années-là, mais dont ces années-là sont véritablement un marqueur. Et qui, par exemple, il y a une sociologue qui a travaillé sur le traînement de l'immigration entre 1974 et 1984, et qui dit qu'en gros, la focalisation des articles va se déplacer sur, en 1974, les conditions de vie et de travail des immigrés, et va se déplacer donc vers les problèmes de cohabitation avec les Français, donc les problèmes d'assimilation et d'intégration. Et la question du rapport à la religion, bien sûr, prend toute sa place dans le débat sur l'intégration. Donc pour finir en deux mots, effectivement, c'est une époque où, je disais pour commencer, que c'était une époque de transition de l'immigration, c'est aussi une transition des représentations de l'immigration. Hein. Donc je disais la question du musulman, la question du travailleur immigré qui a été assez forte après 68, commence à s'effilocher, et puis donc la question du beurre de la deuxième génération, suite à la marche de 83, qui surgit, et donc on a cette espèce de tension entre différentes catégories. Alors de là à dire que la question religieuse de l'islam ouvrier, de dégraissante, etc., un phénomène durable, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Par exemple, en 83, début 84, il y a des grèves contre les licenciements. Moi, dans ce que j'ai vu, la question de l'islam et des désordres provoqués par les ouvriers immigrés qui luttent contre leur licenciement n'est pas du tout présente, hein, y compris dans l'extrême droite. Par exemple, on va plutôt parler d'immigrés, de noirs et d'arabes, mais la question musulmane apparaît pas. Mais je crois que malgré tout, on a là quand même pas les prémices, c'est une reproduction ou enfin, quelque chose qui va arriver aussi après, on va dire, moi ce que je dirais, une radicalisation de l'altérité des immigrés qui est liée à des configurations particulières de ce moment-là, qui sont à la fois des configurations nationales de crise industrielle, de questions de politique d'immigration, et puis internationale, hein, où la question de la révolution iranienne prend une place certaine dans les représentations.